Chapitre 66e. André de Tavernay. Le 30 mai suivant, c'est-à-dire le surlendemain de cette effroyable nuit, nuit, comme l'avait dit Marie-Antoinette, pleine de présages et d'avertissements, Paris célébrait à son tour les fêtes du mariage de son futur roi. Toute la population, en conséquence, se dirigea vers la place Louis XV, où devait être tiré le feu d'artifice, ce complément de toute grande solennité publique que le Parisien prend en badinant, mais dont il ne peut se passer. L'emplacement était bien choisi. 600 000 spectateurs y pouvaient circuler à l'aise. Autour de la statue équestre de Louis XV, des charpentes avaient été disposées circulairement, de façon à permettre la vue du feu à tous les spectateurs de la place, en élevant ce feu de 10 à 12 pieds au-dessus du sol. Les Parisiens arrivèrent, selon leur habitude, par groupe, et cherchèrent longtemps les meilleures positions, privilège inattaquable des premiers venus. Les enfants trouvèrent des arbres, les hommes graves des bornes, les femmes des garde-fous, des fossés, des échafaudages mobiles dressés en plein vent par les spéculateurs bohèmes, comme on en trouve à toutes les fêtes parisiennes, et à qui une riche imagination permet de changer de spéculation chaque jour. Vers 7 heures du soir, avec les premiers curieux, on vit arriver quelques escouades d'archers. Le service de surveillance ne se fit point par les gardes françaises, auxquelles le bureau de la ville ne voulut pas accorder la gratification de 1000 écus demandée par le colonel maréchal duc de Biron. Ce régiment était à la fois craint et aimé de la population près de laquelle chaque membre de ce corps passait à la fois pour un César et pour un mandrin. Les gardes françaises, terribles sur le champ de bataille, inexorables dans l'accomplissement de leurs fonctions, avaient, en temps de paix et hors du service, une affreuse réputation de bandits. En tenue, ils étaient beaux, vaillants, intraitables, et leurs évolutions plaisaient aux femmes et imposaient aux maris. Mais libres de la consigne, disséminés en simples particuliers dans la foule, ils devenaient la terreur de ceux dont la veille ils avaient fait l'admiration et persécutaient fort ceux qu'ils allaient protéger le lendemain. Or, la ville, trouvant dans ses vieux ressentiments contre ses coureurs de nuit et ses habitués de tripot une raison de ne pas donner les 1000 écus aux gardes françaises, la ville, disons-nous, envoya ses seuls archers bourgeois, sous ce prétexte spécieux, du reste, que dans une fête de famille, pareille à celle qui se préparait, le gardien ordinaire de la famille devait suffire. On vit alors les gardes françaises en congé se mêler au groupe dont nous avons parlé, et licencieux autant qu'ils eussent été sévères, causer dans la foule, en leur qualité de bourgeois de guérite, tous les petits désordres qu'ils eussent réprimés de la crosse, des pieds et du coude, voire même de l'arrestation, si leur chef, leur César Biron, eût eu le droit de les appeler ce soir-là soldats. Les cris des femmes, les grognements des bourgeois, les plaintes des marchands dont on mangeait gratis les petits gâteaux et le pain d'épices, préparaient un faux tumulte avant le vrai tumulte qui devait naturellement avoir lieu quand 600 000 curieux seraient réunis sur cette place, et ils animaient la scène de manière à reproduire, vers les 8 heures du soir, sur la place Louis XV, un vaste tableau de tenille avec des grimaces françaises. Après que les gamins parisiens, à la fois les plus pressés et les plus paresseux du monde connu, se furent placés ou hissés, que les bourgeois et le peuple eurent pris position, arrivèrent les voitures de la noblesse et de la finance. Aucun itinéraire n'avait été tracé. Elles débouchèrent donc sans ordre par les rues de la Madeleine et Saint-Honoré, amenant au bâtiment neuf ceux qui avaient reçu des invitations pour les fenêtres et les balcons du gouverneur, fenêtres et balcons, d'où l'on devait voir le feu admirablement. Ceux des gens à voiture qui n'avaient pas d'invitation laissèrent leurs carrosses au tournant de la place et se mêlèrent à pied, précédés de leurs balais, à la foule toute serrée déjà, mais qui laisse toujours de la place à quiconque sait la conquérir. Il était curieux de voir avec quelle sagacité ces curieux savaient dans la nuit aider leurs marches ambitieuses de chaque inégalité de terrain. La rue, très large, mais non encore achevée, qui devait s'appeler rue Royale, était coupée çà et là de fossés profonds au bord desquels on avait entassé des décombres et des terres de fouilles. Chacune de ces petites éminences avait son groupe, pareil à un flot plus élevé au milieu de cette mer humaine. De temps en temps, le flot, poussé par les autres flots, s'écroulait au milieu des rires de la multitude encore assez peu pressée pour qu'il n'y eût point de danger à de pareilles chutes et pour que ceux qui étaient tombés pussent se relever. Vers 8h30, tous les regards divergents jusque-là commencèrent à se braquer dans la même direction et se fixèrent sur la charpente du feu d'artifice. Ce fut alors que les coudes, jouant sans relâche, commencèrent à maintenir sérieusement l'intégrité de la possession du terrain contre les envahisseurs sans cesse renaissants. Ce feu d'artifice combiné par Ruggieri était destiné à rivaliser, rivalité que l'orage de la surveille avait rendue facile, était destiné à rivaliser, disons-nous, avec le feu d'artifice exécuté à Versailles par l'ingénieur Torré. On savait à Paris que l'on avait peu profité à Versailles de la libéralité royale qui avait accordé 50 000 livres pour ce feu, puisqu'en première fusée ce feu avait été éteint par la pluie et comme le temps était beau le soir du 30 mai, les Parisiens jouissaient d'avance de leur triomphe assuré sur leurs voisins les Versaillais. D'ailleurs, Paris attendait beaucoup mieux de la vieille popularité de Ruggieri que de la nouvelle réputation de Torré. Au reste, le plan de Ruggieri, moins capricieux et moins vague que celui de son confrère, accusait des intentions pyrotechniques d'un ordre tout à fait distingué. L'allégorie, reine de cette époque, s'y mariait au style architectonique le plus gracieux. La charpente figurait ce vieux temple de l'hymen qui, chez les Français, rivalise de jeunesse avec le temple de la gloire. Il était soutenu par une colonne gigantesque et entouré d'un parapet aux angles duquel des dauphins, gueules béantes, n'attendaient que le signal pour vomir des torrents de flammes. En face des dauphins s'élevaient, majestueux et guindés, sur leurs urnes, la Loire, le Rhône, la Seine et le Rhin, ce fleuve que nous nous obstinons à naturaliser français, malgré tout le monde, et s'il faut en croire les chants modernes de nos amis les Allemands, malgré lui-même. Tous quatre, nous parlons des fleuves, tous quatre, disons-nous, prêts à épancher, au lieu de leurs eaux, le feu bleu, blanc, vert et rose, au moment où devait s'enflammer la colonnade. D'autres pièces d'artifice s'embrasant aussi au même instant devaient former de gigantesques pots à fleurs sur la terrasse du palais de l'hymen. Enfin, toujours sur ce même palais, destiné à porter tant de choses différentes, s'élevait une pyramide lumineuse terminée par le globe du monde. Ce globe, après avoir fulguré sourdement, devait éclater comme un tonnerre en une masse de girandoles de couleurs. Quant au bouquet, réserve obligatoire et si importante que jamais Parisien ne juge d'un feu d'artifice que par le bouquet, Ruggieri l'avait séparé du corps de la machine. Il était placé du côté de la rivière, après la statue, dans un bastion tout bourré de pièces de rechange, de sorte que le coup d'œil devait gagner encore à cette surélévation de 3 à 4 toises qui plaçait le pied de la gerbe sur un piédestal. Voilà les détails dont se préoccupait Paris. Depuis 15 jours, les Parisiens regardaient avec beaucoup d'admiration Ruggieri et ses aides, passant comme des ombres dans les lueurs funèbres de leurs échafaudages et s'arrêtant avec des gestes étranges pour attacher leurs mèches, assurer leurs amorces. Aussi le moment où les lanternes furent apportées sur la terrasse de la charpente, moment qui indiquait l'approche de l'embrasement, produisit-il une vive sensation dans la foule et quelques rangs des plus intrépides reculèrent-ils, ce qui produisit une longue oscillation jusqu'aux extrémités de la foule. Les voitures continuaient d'arriver et commençaient à envahir la place elle-même. Les chevaux appuyaient leur tête sur les épaules des derniers spectateurs qui commençaient à s'inquiéter de ces dangereux voisins. Bientôt, derrière les voitures, s'amassa la foule toujours croissante, de sorte que les voitures, eussent-elles voulu se retirer elles-mêmes, ne le pouvaient plus, emboîtées qu'elles se trouvaient par cette inondation compacte et tumultueuse. Alors on vit, avec cette audace du Parisien qui envahit, laquelle n'a de pendant que la longanimité du Parisien qui se laisse envahir, alors on vit monter sur ces impériales, comme des naufragés sur des rocs, des gardes françaises, des ouvriers, des laquais. L'illumination des boulevards jetait de loin sa lueur rouge sur les têtes des milliers de curieux, au milieu desquels la baïonnette d'un archer bourgeois, scintillante comme l'éclair, apparaissait aussi rare que le sont les épis restés debout dans un champ que l'on vient de faucher. Au flanc des bâtiments neufs, aujourd'hui l'hôtel Crillon et le garde-meuble de la Couronne, les voitures des invités, au milieu desquelles on avait pris la précaution de ménager aucun passage, les voitures des invités, disons-nous, avaient formé 3 rangs qui s'étendaient d'un côté du boulevard aux Tuileries, de l'autre du boulevard à la rue des Champs-Élysées, en tournant comme un serpent 3 fois replié sur lui-même. Le long de ce triple rang de carrosses, on voyait errer, comme des spectres au bord du Styx, ceux des conviés que les voitures de leurs prédécesseurs empêchaient d'aborder à la grande porte et qui, étourdis par le bruit, craignant de fouler, surtout les femmes, tout habillées et chaussées de satin, ce pavé poudreux, se heurtaient au flot du peuple qui les raillait sur leur délicatesse et cherchant passage entre les roues des voitures et les pieds des chevaux, se glissaient comme ils pouvaient jusqu'à leur destination, but aussi envié que l'est le port dans une tempête. Un de ces carrosses arriva vers 9 heures, c'est-à-dire quelques minutes à peine avant l'heure fixée pour mettre le feu à l'artifice, pour se frayer à son tour un passage jusqu'à la porte du gouverneur. Mais cette prétention, déjà si disputée depuis quelque temps, était à ce moment devenue au moins téméraire, sinon impossible. Un quatrième rang avait commencé de se former, renforçant les 3 premiers, et les chevaux qui en faisaient partie, tourmentés par la foule, de fringants devenus furieux, lançaient à droite et à gauche, à la moindre irritation, des coups de pied qui avaient déjà produit quelques accidents perdus dans le bruit et dans la foule. Accroché au ressort de cette voiture qui venait de se frayer son chemin dans la foule, un jeune homme marchait, éloignant tous les survenants qui essayaient de s'emparer de ce bénéfice d'une locomotive qu'il semblait avoir confisquée à son profit. Quand le carreau s'arrêta, le jeune homme se jeta de côté, mais sans lâcher le ressort protecteur auquel il continua de se cramponner d'une main. Il put donc entendre par la portière ouverte la conversation animée des maîtres de la voiture. Une tête de femme, vêtue de blanc et coiffée avec quelques fleurs naturelles, se pencha hors de la portière. Aussitôt une voix lui cria « Voyons, André, provincial que vous êtes, ne vous penchez pas ainsi, ou mordieu, vous risquez d'être embrassé par le premier rustre qui passera. Ne voyez-vous pas que notre carrosse est au milieu de ce peuple comme il serait au milieu de la rivière? Nous sommes dans l'eau, ma chère, dans l'eau sale, ne nous mouillons pas. » La tête de la jeune fille rentra dans la voiture. « C'est qu'on ne voit rien d'ici, monsieur, dit-elle. Si seulement nos chevaux pouvaient faire un demi-tour, nous verrions par la portière, et nous serions presque aussi bien qu'à la fenêtre du gouverneur. « Tournez, cocher !» cria le baron. « C'est chose impossible, monsieur le baron, répondit celui-ci. « Il me faudrait écraser 10 personnes. Eh, par Dieu, écrase !»« Monsieur !» dit André. « Oh, mon père !» dit Philippe. « Qu'est-ce que c'est que ce baron-là qui veut écraser le pauvre monde ?» crièrent quelques voix menaçantes. « Parbleu, c'est moi !» dit le tavernier qui se pencha, et en se penchant, montra un grand cordon rouge en sautoir. Dans ce temps-là, on respectait encore les grands cordons, même les grands cordons rouges, on grommela, mais sur une gamme descendante. « Attendez, mon père, je vais descendre, dit Philippe, et voir s'il y a moyen de passer. « Prenez garde, mon frère, vous allez vous faire tuer. Entendez-vous les hennissements des chevaux qui se battent ?»« Vous pouvez bien dire des rugissements, reprit le baron. « Voyons, nous allons descendre, dites qu'on se dérange, Philippe, et que nous passions. » « Ah, vous ne connaissez plus Paris, mon père, dit Philippe. Ces façons de mettre étaient bonnes autrefois, mais aujourd'hui, peut-être bien pourra-t-elle ne point réussir. Et vous ne voudriez point compromettre votre dignité, n'est-ce pas ? Cependant, quand ces drôles sont qui je suis, mon père, dit en souriant Philippe, quand vous seriez le dauphin lui-même, on ne se dérangerait pas pour vous. J'en ai bien peur, en ce moment surtout, car voilà le feu d'artifice qui va commencer. Alors nous n'errons rien, dit André avec humeur. « C'est votre faute, pardieu, répondit le baron. « Vous avez mis plus de 2 heures à votre toilette. »« Mon frère, dit André, ne pourrais-je prendre votre bras et me placer avec vous au milieu de tout le monde ?»« Oui, oui, ma petite dame, » dirent plusieurs voix d'hommes touchés par la beauté d'André. « Oui, venez, vous n'êtes pas grosse, on vous fera une place. »« Voulez-vous, André ?» demanda Philippe. « Je veux bien, » dit André. Et il s'élança légèrement sans toucher le marchepied de la voiture. « Soit, » dit le baron, « mais moi qui me moque des feux d'artifice, moi, je reste ici. » « Bien, restez, dit Philippe. Nous ne nous éloignons pas, mon père. » En effet, la foule, toujours respectueuse, quand aucune passion ne l'irrite, toujours respectueuse devant cette reine suprême qu'on appelle la beauté, la foule s'ouvrit devant André, son frère, et un bon bourgeois, possesseur avec sa famille d'un banc de pierre, fit écarter sa femme et sa fille pour qu'André trouvât une place entre elles. Philippe se plaça au pied de sa sœur qui appuya une de ses mains sur son épaule. Gilbert les avait suivis, et placé à 4 pas des 2 jeunes gens, dévorait des yeux André. « Êtes-vous bien, André ?» demanda Philippe. « À merveille !» répondit la jeune fille. « Voilà ce que c'est que d'être belle !» dit en souriant le vicomte. « Oui, oui, bien belle !» murmura Gilbert. André entendit ces paroles, mais comme elles venaient sans doute de la bouche de quelque homme du peuple, elle ne s'en préoccupa point davantage qu'un dieu de l'Inde ne se préoccupe de l'hommage que dépose à ses pieds un pauvre paria.